بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 53 53 leçon. Après nous avons pris le hadith, le long hadith de l'intercession qui sera accordé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est Shafa al-Uzma, qui est l'intercession majeure, la plus grande. Nous poursuivons également en ce qui touche aux choses qui se produiront dans l'au-delà. فقال في السؤال الثاني وعشرين بعد الثلاثمية حفظه الله تعالى. Dans la 322e question. بما يأخذ المؤمن كتابه يوم القيامة. Donc il dit, comment est-ce que le croyant, de quelle main le croyant prendra son livre, c'est-à-dire le livre dans lequel sont inscrits ses œuvres, يوم القيامة. قال في جواب بيميني, par sa main droite. Car la main droite de, pour les mukallafin, c'est la main qui est la plus honorée. C'est la main qui est la plus honorée. Donc c'est par cette main-là qu'il recevra son livre. Et le il dira, et quant à celui dont le livre soit donné par sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. Je savais que j'allais rendre des comptes et sera dans une vie heureuse, dans un jardin haut placé. Al-Haqqa, verset 22 à 19. Au 19 à 22. Donc le croyant prendra son livre de la main droite et il sera heureux. Encore fi soual al-thalith wa 20 ba'd al-thalathmiya. 323e question. بما يأخذ الكافر كتابه يوم القيامة. Donc maintenant le mécréant, lui de quelle main prendra son livre? قال بشماله من وراء ظهري. Il prendra par sa main gauche de derrière son dos. Il recevra son livre par sa main gauche de derrière son dos. والدليل قوله تعالى وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. Il dira, quant à celui dont le livre sera donné par sa main ou par sa gauche, il dira, pauvre moi que je n'ai reçu mon livre et que je n'ai connu mon compte, c'est-à-dire le fait que je rende des comptes, et que ma première mort ne fût la définitive. Donc là il regrette beaucoup de choses, et bien évidemment à cette heure là il est déjà trop tard. وقوله تعالى واما من اوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Et quant à celui qui recevra son livre de derrière son dos, il appellera à la destruction sur lui-même et sera amené en enfer. Donc là c'est comme ça qu'on l'enjoint entre les deux versets, car un verset dit qu'il le recevra dans la main gauche et l'autre verset dira qu'il le recevra de derrière son dos. Donc en fait de sa main gauche et de derrière son dos. Et le premier verset cité, c'était dans Al-Haqqa, versets 25 à 27. Et l'autre, c'est dans Surat Al-Chikak, la fissure de versets 10 à 12. ثُمَّ قَالَ فِي السُّؤَلِ. Après, des fois, il pose des questions. Dans quel verset, dans quel surat se trouve tel verset? Ces questions-là, on les passe en général. Avant, je les lisais, mais là, désormais, on va les passer, Inch'Allah. قَالَ فِي السُّؤَلِ الخامس والعشرين بعد الثلاثمية. 325e question. قال اذكر صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, décris-nous le bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc dans le hadith, il est venu selon Abdullah ibn Amr ibn al-As. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه صوام وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكذانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا أو بعده أبدا. الحديث متفق عليه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a décrit son bassin comme étant dont la longueur est une distance d'un mois et sa largeur est égale. Son eau est plus blanche que l'argent, et est également plus blanche que le lait. Et son odeur est meilleure que celle du musc. Il était dit également que son goût est plus doux que celui du miel, et que ses gobelets sont plus nombreux que les étoiles, ou sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et celui qui en boira n'aura plus jamais soif par la suite. Donc différents descriptifs sont venus dans différents hadiths qui tous reviennent à cela. Non. Donc ça c'est le prophète, c'est le bassin des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Après il y a eu une divergence, des ulama disent que chaque prophète a un bassin. Et il n'y a pas de preuve authentique que ce soit là, donc ce qui paraît comme étant le plus probable, c'est que ce bassin est parmi les spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 326e question. Par quoi seront pesés les actes le jour de la résurrection? Par la balance. Il s'agit d'une vraie balance. Avec deux plateaux, une vraie balance. Maintenant, comment est-elle sa réalité? Nous ne le savons pas, mais le sens de la balance est connu auprès de nous. والدليل قوله تعالى فما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما من خفت موازينه فأمه هاوية. Donc il dit quant à celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire les actes pèseront lourd. Il sera dans une vie heureuse. Quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire légère de bonnes actions, il appellera sa destruction. Il courra sa perte. Al-Qari'ah, versets 6 à 9. Au kazalik, parmi les preuves de cette balance, le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كيل دي دو بارول كي سون ليجير سو لا لونغ اي لور سو لا بالانس هذا هو الشاهد لور سو لا بالانس اي كي سون ايمو كودي الرحمن سي كي سون تيل سبحان الله وبحمده سا سي لا بروميير اي لا دوزيام سبحان الله العظيم دونك سي ان رابيل ان ذكر كو لون فات كي اي تري ليجير ا دير et qui pèse très lourd dans la balance, et qui est très aimé auprès d'eux, de notre miséricordieux. Thumma qala fi su'al as-sabi' wa 20 ba'd 300. 327e question. Ma huwa as-sirat? Qu'est-ce que le pont? Qu'est-ce que le pont? On appelle as-sirat, également appelé jisr. Qala wa jisrun yudrabu ala jahannam. C'est un pont qui sera placé au-dessus de l'enfer. Et qui sera l'une dernière étape avant d'entrer au Jannah. Parmi les dernières étapes pour entrer au Jannah. Et bien évidemment, les koufars et les munafiqoun ne dépasseront pas ce pont. Faqala wa dalil qawluhu ta'ala wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Et dans le sens où Allah dit, et qu'il n'y a aucun d'entre vous sans qu'il ne passera par l'enfer. Et il s'agit là d'une sentence irrévocable. Sur ton Seigneur. Surat Maryam, verset 71. Donc là, le sens de voulu passer par l'enfer, ce n'est pas rentrer en enfer et être châtié, mais c'est passer au-dessus de l'enfer par ce pont. D'accord ? Passer au-dessus de l'enfer par ce pont. Thumma qala fi su'al al-thamin wa al-ishrin ba'd 300. 328e question. Kayfa takunu sur'at an-nas ala sirat? Quelle sera la vitesse des gens pour traverser ce pont ? قال بحسب أعمالهم منهم كالطراف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخير والركاب ومنهم من يزحف صحفا. Donc les gens seront en mesure de leurs actes, ils passeront sur ce pont. Plus ils auront commis de bons actes en ce bas monde, et plus ils passeront vite. Certains passeront comme un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme un oiseau, d'autres comme la meilleure des montures, et d'autres passeront en rampant. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, muttafaqun alayhi, rapporté également par Abu Sa'id al-Khudri. C'est une partie d'un long hadith. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma yudrabu al-jisr ala jahannam. Wa fihi fayamur al-mu'min kat-taraf al-ayn, wa kal-bark, wa kal-rih, wa kat-tayr, wa kal-ajwad, أجاويد الخير وركاب فناج مسلمون ومخدوش مرسلون ومكدوس في نار جهنم. Donc dedans il dira que les gens justement passant sur ce pont, et dans ce pont, dans le feu de l'enfer, il y aura des shawkah, des pics qu'on appelle shawkat sa'adan, qui sont comme des plantes que l'on trouve au Najd, qui ont des grandes épines, un peu comme les chardons. Vous voyez un peu les chardons comme on sait ? Ça ressemble un peu à des chardons avec plein de grandes épines, mais ils sont immenses. Et ces pics attrapent les gens parmi ceux qui méritent de tomber en enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens, le croyant, passera, peut passer sur ce pont comme on l'avait cité en un clin d'œil, ou comme l'éclair, ou comme le vent, ou comme un oiseau, ou comme la meilleure des montures. Et parmi eux, certains passeront en étant épargnés, c'est-à-dire ne seront pas touchés par ces pics qui sont choqués de Sardaigne, et d'autres seront égratignés et griffés par ces pics. C'est-à-dire ces pics passeront pour les prendre et les toucheront et les blesseront, mais ne tomberont pas dans l'enfer. Et d'autres seront attrapés et happés par ces pics. Et seront entassés dans le feu de l'enfer. Wallahi azbillah. Thumma qala fi as-su'al at-tasi'u'ishin ba 300. 329e question. Ana yaqif al-mu'min bad al-'ubud ala as-sirat. Al-'ubur ala as-sirat. Où est-ce que le croyant sera situé après avoir traversé le pont? Qala yaqif ala kantiratin min bayn al-jannati wan nar. Ala kantira bayn al-jannati wan nar. Qabl dukhul al-janna wa yaqtas li ba'dihim min ba'd. Donc ils seront placés sur une forme de ponceau qui se trouve entre le feu et l'enfer, entre le feu et le Jannah, entre le feu et le paradis. Et de là, Allah Azzawajal réglera les comptes de chacun des uns vers les autres. Ceux qui ont un droit sur un autre les rendront à ce moment-là. Par rapport au droit des vies, par rapport au droit des biens, par rapport au droit de l'honneur, toute injustice qui aurait été commise envers un autre croyant, à ce moment-là, les comptes seront réglés. Comme par exemple ceux qui n'auront fait beaucoup de mal aux gens et n'auront pas assez d'actions, et bien eux, leurs bonnes actions leur seront prises pour les donner à ceux qu'ils ont lésés. Et d'autres qui ont été lésés, leurs mauvaises actions leur seront prises et seront données à ceux qui auront été injustes envers eux. Wallahi azbillah. Donc ceux qui ont commis un mal envers leurs frères, toute injustice, qui s'en délient dès ce bas monde. Car dans l'au-delà, cela ne sera plus possible. فجاء في حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمن من النار فيخبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض والحديث رواه البخاري. Donc il dit dans le hadith que lorsque les gens auront passé le feu de l'enfer, ils seront retenus dans un lieu entre le paradis et l'enfer. D'accord, entre le paradis et l'enfer. Et de là, les comptes seront rendus. Maintenant, le fait d'avoir passé le pont, par la suite, est-ce que des gens pourront encore être éprouvés par l'enfer? C'est ce qui apparaît, puisqu'apparemment, Allah Azzawajal réglera les comptes entre certains. Donc certains auront forcément du mal encore à payer. Et il se peut qu'ils soient mis en enfer. De quelle façon cela se produira? Allah Ta'ala A'lam. Non, fallazi khazna al-yawm hadha. D'accord. في هذا الباب فنكتفي به والحمد لله.